الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue la lecture afwan du livre مختصر فقه الأسماء الحسنى du Cheikh Abdurrazzaq Al-Abbad حفظه الله تعالى. Lors du dernier cours, on s'est arrêté au nom d'Allah qui s'en rappelle. Al-Quddus al-Subbuh. ثم قال المؤلف حفظه الله الحميد وقد تكرر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم 17 مرة قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وقال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ومعنى الحميد أي الذي له الحمد كله المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح وأعظم الثناء لأن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حمد وصفاته حمد وأفعاله حمد وأحكامه حمد وعدله حمد وانتقامه من أعدائه حمد وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان الغاية منه هي حمده فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحمد نوعان حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون إلا لمن هو متصف بصفات الكمال والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد وافتتح بعض صور القرآن بالحمد وافتتح خلقه بالحمد واختتمه بالحمد فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا وهو الحميد المجيد الحمد le digne de louange. C'est un nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été cité dans le Coran 17 fois. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 15 de Sourate Fatir, le Créateur: Ô vous les hommes, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah, lui qui se dispense de tout et il est le digne de louange. Et il dit subhanahu wa ta'ala, ils ont été guidés dans le verset 24 de sourate Al-Hajj. Et ils ont été guidés vers la bonne parole et ils ont été guidés vers le chemin du digne de louange. La signification du nom d'Allah Al-Hamid, c'est-à-dire qu'à lui les louanges, toutes les louanges. Il est loué dans son essence, dans ses noms et attributs. Il a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. La louange est la plus vaste et le plus vaste de ses attributs et la plus global des éloges, et c'est le meilleur et c'est la plus immense des éloges que l'on puisse faire à Allah subhanahu wa ta'ala, car l'ensemble des noms d'Allah azza wa jal sont louanges, ses attributs sont louanges, ses actes sont louanges, ses jugements sont louanges, sa justice est louange, le fait qu'il châtie ses ennemis est louange, ses bienfaits et sa bienfaisance envers ses alliés et louanges. Sa créature et son commandement ne reposent que sur sa louange et existent par sa louange et apparaissent par sa louange. Et le but de la création et du commandement est la louange. Ainsi, la louange est l'esprit de toute chose. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit: la louange est de deux sortes. La louange d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses bienfaits envers ses serviteurs. Et ceci fait partie de la reconnaissance. Wa huwa min ash-shukr. Et la louange que mérite Allah azza wa jal de par ses qualités parfaites. Il est le digne de louange et n'est digne de louange que celui qui est doté des attributs les plus parfaits. Et Allah Azza wa Jal a débuté son livre par la louange. Il a débuté certaines sourates du Coran par la louange. Il a débuté sa création par la louange et a clôturé sa création par la louange. À lui la louange au début et à la fin, et à lui la reconnaissance de façon apparente et cachée. C'est lui le digne de louange, le majestueux et le digne de glorification. ثم قال المؤلف رحمه الله المجيد وهو اسم عظيم ورد في كتاب الله في موضعين قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد برفع المجيد وقد قرئ المجيد بالرفع نعتا لله عز وجل وبالجر نعتا للعرش وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد ومعناه واسع الصفات عظيمها كثير النعوت كريمها فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها وإلى عظمة ملكه وسلطانه وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك والله عز وجل مجد نفسه في كتابه في آيات عديدة بل إن القرآن الكريم كله كتاب تمجيد وتعظيم لله عز وجل لا تخلو آية من القرآن من ذكر شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة وأعظم آي القرآن هي التي اشتملت على ذلك فآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة وسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن نصفها ثناء على الله وتمجيد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قعد المصلي للتشهد يثني على الله ويمجده ويختم ذلك بقوله إنك حميد مجيد فأول الصلاة حمد وتمجيد وآخرها حمد وتمجيد بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد للحميد المجيد سبحانه أهل الثناء والمجد Le nom d'Allah, Al-Majid, le digne de glorification. C'est un nom immense d'Allah Azzawajal qui a été cité dans deux endroits du Coran. Dans le verset 73 de Surat Hud, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que la miséricorde d'Allah et les biens et les bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Et dans le verset 7, où Allah Azzawajal dit, c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Dans Surat Al-Buruj. Et on a vu dans le tafsir de Surat Al-Buruj qu'il y a deux lectures. Soit on lit Dhul Arshil Majidu, dans ce cas, c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, Dhul Arshil Majidu. Si on dit Al-Majidu Bir-Raf, c'est le tout glorieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on lit Dhul Arshil Majidi, le maître du trône, le trône majestueux. Majidi, en ce cas, Al-Majid serait un qualificatif du trône et non pas un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux lectures. Si on lit Al-Majidu, en ce cas Al-Majid, c'est l'attribut d'Allah, le digne de glorification. Et si on lit Al-Majidi, dans ce cas c'est un attribut du trône qui est majestueux. Et ce nom d'Allah Azzawajal prouve plusieurs attributs et ne renferme pas qu'un seul et unique sens. Parmi son sens, c'est qu'Allah Azzawajal a les attributs les plus immenses et a de nombreux attributs subhanahu wa ta'ala. L'attribut de son royaume qui est immense et de son pouvoir subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah Azzawajal est le seul à être parfait, à avoir la majesté parfaite et la beauté parfaite. Des choses que les serviteurs ne peuvent imaginer. Wallah, et Allah Azzawajal s'est glorifié lui-même dans son noble livre dans plusieurs versets du Coran. Le Coran, le Saint-Coran est même entièrement une glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un verset dans le Coran sans qu'il n'y ait cité un des noms d'Allah les plus beaux ou un de ses attributs parfait ou un de ses actes sages subhanahu wa ta'ala. Et parmi tous ces versets du Coran, le plus immense est le verset du repose-pied, qui est le plus immense des versets du Coran. Un verset dans lequel ils sont cités cinq noms sublimes d'Allah Azzawajal. Un verset dans lequel il est cité plus de 20 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, il y a également Surat al-Ikhlas qui équivaut au tiers du Coran, qui a été exclusivement réservé pour expliquer les noms sublimes d'Allah et ses attributs parfaits. De même que Surat al-Fatiha est la plus immense des sourates du Coran. La moitié de cette sourate sont des éloges, est une éloge à Allah et une glorification. L'imam Muslim dans son Sahih rapporte selon Abu Huraira radiallahu anhu qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux, et à mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsque le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », la louange appartient au Seigneur des mondes. Allah dit « Mon serviteur m'a loué ». Et lorsqu'il dit, c'est-à-dire le serviteur « Ar-Rahman Ar-Rahim », le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah Azzawajal dit « Mon serviteur a fait mes éloges ». Et lorsque le serviteur dit « Malik Yawmiddin », le roi ou le seigneur du jour de la rétribution, Allah Azzawajal dit, mon serviteur m'a glorifié. » Et lorsque le prieur s'assied dans le tashahhud, il fait les éloges d'Allah et le glorifie, et termine son tashahhud en disant « Innaka hamidun majid ». Ainsi, le début de sa prière est louange et glorification, et la fin de sa prière est également louange et glorification. Toute sa prière est louange et glorification au digne de louange et au digne de glorification. Subhanahu wa ta'ala. Wa naktafi bihada al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.